26 février 1838, auberge de Rusbach, midi. J'ai quitté ce matin l'auberge de Vels et me voici installé au sommet des Carpates, dans une espèce de baraque en bois où l'hôtelier m'a servi à déjeuner. Il m'a demandé quelques instants avant que je ne réclame ma voiture où j'allais. Cette fois, je lui ai dit « au pays des fantômes », pour ne pas avoir à discuter une fois de plus sur le compte horloge. « Au pays des fantômes ? Mais sauf le respect que je vous dois, vous êtes fou. Décidément, je n'ai pas de chance. Si vous voulez que le cocher vous conduise jusque-là, ne lui dites rien. Indiquez-lui la direction de l'Osberg. Il vous mènera au moins jusqu'à cet endroit, mais je doute qu'ensuite il veuille continuer. Mais enfin, que veulent dire toutes ces réticences ? Que signifient toutes ces frayeurs ? Mon hôte a levé les bras au ciel. Ah, voilà. Je ne peux pas vous en raconter davantage, mais puisque vous allez là-bas, vous le verrez vous-même. Il y avait de la moquerie dans ses propos. Je n'ai pas cru devoir insister. J'arrête ici mes confidences. J'entends les grelots de la voiture. Je ferme mon cahier et je m'en vais. Mais qu'est-ce que donc que le pays des fantômes ? Qu'est-ce donc que le comte Horlock ?